بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندخل في المسألة 23. 23 مسألة. في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Voilà, dans le sens où il dit approximativement: et ne dites pas pour ceux qui ont été tués sur le sentier d'Allah qu'ils sont morts, mais plutôt vivants. Cependant, vous ne vous en rendez pas compte. Surat al-Baqara, verset 154. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات. وقد قال الله في آية أخرى: لمن هو أفضل من كل الشهداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. Donc ce verset, dans son apparent, montre que les martyrs, les shuhada, les martyrs, sont vivants et ne sont pas morts. Alors que Allah Azzawajal, dans un autre verset, a parlé à propos de la meilleure personne, plus que tous les shuhada réunis, qui est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit dans le sens: « Certes, tu mourras et tous mourront. » Surat Az-Zumar, verset 30. قال والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين وهذا الموت هو التي أخبر الله نبيه أنه يموتها. Donc la réponse à cela, c'est que les shuhada mourront d'une mort en ce bas monde. Et après cela, leurs biens seront hérités, leurs femmes seront épousables, et cela avec unanimité des muslimines. Donc cette mort dont Allah Azzawajal a informé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mourra, c'est la mort de ce bas monde. Adunyawiyya. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع عليك الله موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد بتها وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات كما جاء في صحيح البخاري واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il fut authentifié ou rapporté de façon authentique selon son compagnon qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que lorsqu'il est mort, il a dit: par mon père, toi ou ma mère, c'est-à-dire que je sacrifierai pour toi mère et père, et non pas le fait de jurer par autre que Allah, wallah, que Allah ne réunira pas en toi deux morts. Quant à la mort que Allah Azzawajal t'a déjà prescrit, tu l'as déjà eue, c'est-à-dire cette mort actuelle. Et également, il dit par la suite, lorsque les gens n'ont pas voulu croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort, il a dit: celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Mais après, pour celui, il dit: celui qui adorait Allah, qui sache que Allah est vivant, ne meurt jamais. Al-Hadith. Puis, après cela, il cita des versets du Coran. Donc de là, tous les Sahaba, ont accepté l'information. Ont accepté de lui. Radiallahu anhu. قال وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. Quant à cette vie que Allah Azza wa Jal a affirmée pour les shuhada dans le Coran, et la vie également qui était affirmée pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit qu'il rend le salam à ceux qui passeraient le salam, ces deux-là sont quoi? Sont la vie du barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire qui a lieu entre c'est la vie qui a lieu dans la tombe, entre la mort et le Hisab, al-Barzakhiyya. وأما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون. Et que Allah dans le Coran, à propos des shuhada, il a déjà dit, cependant, vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire, c'est ils ont une vie que vous ne cernez pas, que vous ne voyez pas. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعلوا أوراحهم في حواصل طيور حضر ترتع في الجنة وتأوي إلى فناء لقناديل معلقة تحت العرش. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette vie des shuhada, quelle est-elle? Que leurs âmes seront dans des oiseaux verts qui voleront dans le Jannah et iront sous des lanternes qui sont elles-mêmes accrochées sous le arsh d'Allah Azzawajal, son trône. Et eux, ils s'en réjouissent. Et cela a lieu à quel moment? Dans le barzakh. Ce n'est pas dans la dunya. وَمَّا مَثَبَتَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمْ عَلِي أَحَدٌ إِلَّا رَدَّ عَلِيَ اللَّهُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وأن الله وكل ملائكة يبلغونه السلام أمتي. Quant au fait qu'il est dit qu'il n'y a personne qui lui passera le salam, sans que Allah ne lui ramène son âme afin qu'il rende le salam, sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah azawajal a chargé les malaïka de retransmettre le salam de sa communauté. Yani les malaïka retransmettre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam le salam que lui passe sa communauté. قال فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم مع أن روحه الكريمة في أعلى العليين مع رفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. Donc cette vie-là également, c'est une vie qui n'est pas qui ne peut être cernée par les gens de cette dunya. Et elle est ثابتة, elle est affirmée. Alors que son âme, sallallahu alayhi wa sallam, est au plus haut niveau, avec le Rafiq al-A'la, au-dessus, justement, des âmes des shuhada. فَتَعَلُّكْ هَذَا وَهَذِي رُوحِ الطَّاهِرَ الَّتِي يَا فِي أَعْلَى الْعِلِيِّينَ بِهَذَا الْبَدَنِ الشَّرِيفِ الَّذِي لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضِ يَعْلَمُ اللَّهُ حَقِكَتَهُ وَلَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ كَمَا قَالَ فِي الْجِنْسِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ تَشْعُرُونَ. Donc cette réalité par rapport à cette âme, nous ne la connaissons à part Allah Azza wa Jal, alors qu'elle est au plus haut niveau du Jannah. Et que son corps, lui, est sur terre, et que la terre ne mange pas son corps. Donc il dit, لو كانت الحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق إنه مات ولما جاز دفنه ولنصب خليفة غيره ولا قتل عثمان ولا اختلف أصحابه ولا جرى على عائشة ما جرى ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. Donc si jamais cette vie dans laquelle se trouve encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ainsi que les shuhada était une chose qui était connue pour nous, c'est-à-dire qu'elle était vivant tout comme nous le sommes, Abu Bakr al-Siddiq n'aurait jamais dit qu'il est mort. Il n'aurait pas été permis de l'enterrer. Et il n'y aurait pas eu de khalifa après lui. Et que Othman n'aurait pas été tué. Et que les sahaba n'auraient pas divergé d'après lui. Et que Aïcha radiallahu anha n'aurait pas subi ce qu'elle a subi. Et qu'il n'aurait pas interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos des choses sur lesquelles ils ont divergé parmi les Arkham, comme l'héritage du grand-père, des frères, et autres que cela. وَبَعْدَ هَذَا قَالَ وَمِمَّا يُكَرِّبُ هَذَا لِلْذِينَ حَيَاتُ النَّائِمِ فَإِنَوْ يُخَالِفُ الْحَيِّ فِي جَمِيعِ التَصَرُّفَاتِ مَعَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْرُؤْيَ وَيَعْقِلُ الْمَعَانِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Et parmi les choses qui permettent de comprendre un peu mieux cela, cette vie intermédiaire, c'est tout simplement lorsque celui qui dort fait un rêve. Dans son rêve, il vit des choses que personne ne vit en dehors de lui, et il comprend tout à fait ce qu'il se passe, et il ressent ce qui se passe dans son rêve. Donc qu'en est-il de la mort? Ou plutôt du barzakh après la mort? Donc c'est ça le khulasa de la réponse de Shir, c'est que cette mort, ou cette vie qui est attribuée au shuhada, c'est la vie du barzakh, et non pas la vie de cette dunya. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.